Hey, j'aime trop lâcher mon cahier d'encre, mettre mon pic entre mes dents, en berger pendant des heures à comment trouer le ventre. J'ai arrêté les sticks, la rime m'abrite. Le rap c'est trop mon pote, j'suis dans mon monde comme Roger Rabbit. Quand la page brûle de bon texte, j'fais un test. Check ça, j'ai mis de la braise dans mon 16. Hein. Ça s'explique pas, ça s'applique. C'est le truc qui fait que dans le rap, chaque MC va être unique. Pourquoi la gueule quand mon beat explose les vôtres? J'vous l'emporche. Trop chic comme baiser sur un yacht. J'suis un manouche, ma mine s'installe entre vos lignes. Farouche, deviens riche, mets un barrage sur ton ring. On est tous dans le même trip. Y'a que l'écriture, le flow, la voix, la vibe qui fait que j'suis le chip chip. On a touché le même shit. Mais ta créature ne capte pas la même inspi que nos répliques. Note la voix. Un seul nord, un seul gars qui s'installe dans ta zone ou quoi. Honte à toi. À ma sauce, attends-toi à ce que j'sors de ta cave en quad. On déploie. Aucune carte, toute manière, j'suis trop fort et j'triche à la fois. Donc prévois un gilet pare-balles et un parapluie pour pas que ma rime t'abat. Un seul nom doré comme la couleur de son art. Invincible, t'intrigues à chaque rime. Sous chaque track, un nouveau rap que j'exprime. Quand j'écris, je rêve du clip, ma clique. Et tous les kits de ma ville, c'est un éclipse sur ton vinyle. Si t'as chaud, c'est que j'assure. Si, si, viens t'asseoir, j'insiste. Ça vient du nord et de la côte d'Azur. J'ai les mêmes propres, même si ça peut m'arriver de temps en temps de faire des choses un peu plus précises. Mais quand j'affronte, je me colle pas à ton front. Je préfère faire un sans faute. Le mic dans le froc, je tiens la mine. Et ma tête dans la main gauche illumine toutes les pages qui se rapprochent. Pour tous les gosses bercés par les niques mouques. Y'en a marre de la moche, je me démarque de la meute. Et vos ghetto youth. Note la voix. Un seul nord, un seul gars qui s'installe dans ta zone ou quoi. Honte à toi. À ma sauce, attends-toi à ce que je sors de ta cave en quad. On déploie. Aucune carte, toute manière, je suis trop fort et je triche à la fois. Donc prévois un gilet pare-balles et un parapluie pour pas que ma rime t'abat.